Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la 7e émission du podcast Auto. Et aujourd'hui avec moi, j'ai comme d'habitude Jean-François Beaulieu. Bonjour. Salut Jean-François. Et on a aussi Steve Desgarry. Non, on n'a pas Steve Desgarry ce soir. Steve Desgarry souffre d'un manque flagrant d'Internet. Steve, qui est comme moi un client de Vidéotron, je pourrais pas dire un client satisfait ce soir, mais son modem a comme genre explosé et il est pogné sans Internet. À le connaître, ça doit vraiment être quelque chose de très, très, très douloureux et souffrant. Mais ne vous inquiétez pas. On a invité quelqu'un que vous connaissez peut-être si vous écoutez soit la radio CILE, soit l'autre show qu'on fait ensemble qui s'appelle Réalité Augmentée. Si vous avez écouté le dernier épisode d'Histoire de Gamer ou ben, si tout simplement vous téléchargez les chroniques radio qui sont disponibles sur le feed Twitter du podcast Auto. Et j'ai nommé Jean-Benoît Gagné. Salut Jean-Benoît. Salut Luc. Finalement, le monde, ils ont des occasions là, de m'écouter là, s'ils me connaissent pas. Forcez-vous un peu, là. Ah, c'est ça. Puis c'est comme je me dis à un moment donné, c'est comme, tu sais, des fois trop, c'est comme pas assez. Ah, OK, il y a un message, là. Non, mais tu sais, je veux dire, j'ai nommé aussi tous des podcasts où je suis présent, tu sais. Fait que tu dis, tu sais. Moi, ben, on se crée de la job, toi et puis moi. Je pense qu'on se crée de la job, ouais. Mais, gars, on a du fun, on fait ça pour se faire plaisir. Oui. Et quand il n'y a plus de plaisir, ben, il n'y a plus de podcast. Voilà. Donc, messieurs, j'espère que vous allez bien. Oui. Passez une belle semaine. Oui. Yes. Oui, même si on a appris par la SAQ, mais par le CAA Québec qu'on s'est fait un petit peu avoir sur le prix de l'essence durant la dernière saison. Oui. Je sais pas si vous avez regardé ça, mais le CAA Québec qui n'est pas nécessairement d'accord avec les hausses de prix de l'essence qui se passent un peu à gauche et à droite. Ben, écoute, cette semaine, j'écoutais du côté du 98.5 de Montréal et dans l'émission d'avant-midi, là, toujours une émission, je ne me rappelle pas c'est qui l'animatrice, là, j'ai un blanc, mais... c'est pas Isabelle Maréchal? Exactement, c'est voilà. Ça. Elle fait une ligne ouverte, puis il parlait justement avec les gens de CAA Québec, puis elle disait, c'est drôle comment est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se débat pour le prix de l'essence, il n'y a plus juste vous autres, CAA Québec, qui levait encore le bras pour dire « Hey, nous autres, on trouve que c'est pas correct. » On dirait que tout le monde a comme débarqué du combat. Tout le monde a comme « Ah, OK, c'est correct. On fait avec. On n'a pas trop le choix. » Mais au moins, il y a eux autres là, qui continuent à s'élever de la masse pour demander des comptes. Juste, ouais. Tu sais, qu'on ait des vraies réponses et des vraies raisons. Pas que ce soit « Ah, il y a une tempête à telle place. Ah, écoute, le président, il s'est écorché le genou. Fait qu'on va monter le prix. Il fallait acheter des plasters, tu sais. » Ouais, mais c'est un peu, je pense qu'on est devenu un peu engourdi. Je veux dire, à un moment donné, ça vient que, bon, OK, ouais, tu sais, puis, je veux dire, c'est il monte de 2 cents, ah, il monte de 3 cents, tu sais, mais à un moment donné, on va tout avoir un trop-plein, puis même moi, je commence à vraiment avoir un trop-plein, là, regarde, je veux dire, avec l'auto que j'ai présentement, je fais même pas une semaine de travail sur un plein d'essence, fait que je suis pris pour aller gazer le lundi, aller regazer souvent le jeudi pour être confortable, surtout avec des températures de moins 30, tu sais. Ouais. À un moment donné, si tu veux garder ton réservoir d'essence assez plein, c'est toujours mieux de le garder plus plein que trop vide quand il fait froid pour pas que ça gèle, là. Puis à un moment donné, tu te dis, regarde, c'est tout ce que je fais, gazer, puis ça me coûte 60$ la shot. À un moment donné, je veux dire, c'est le fun, j'aime ça rouler, puis j'aime ça aller travailler. Mais quand juste pour aller travailler, ça te coûte 200$ de gaz, 225$, 250$ de gaz par mois, tu te dis, tu sais, c'est déjà une bonne partie de ma paye qui s'en va juste, tu sais, pour de l'essence, juste pour me rendre au travail, là. Puis moi, franchement, là, quand je suis vraiment, vraiment en train de regarder pour m'acheter une auto électrique d'ici l'automne, d'ici le mois de décembre. Ah, les 48, je peux comprendre. Moi, de mon côté, j'ai cette chance-là de... Écoute, ça me prend même pas une minute de voiture pour me rendre au travail. Ma conjointe, elle fait du covoiturage avec d'autres enseignantes. T'sais, ils font une journée semaine, ils sont 5, fait que tu sais, une voiture à chaque jour. Fait que tu sais, côté gaz, je suis du genre à tanker une fois par mois. Là. Fait que ça me coûte pas trop cher, mais oui, tu sais, le prix à la pompe, on s'en rend compte quand on a besoin de faire de la route que le bill monte assez rapidement, merci. Puis non, c'est ça, c'est pas agréable. Puis on a évalué. Quand on a acheté notre dernier véhicule, on a regardé selon notre kilométrage, si ça valait la peine d'y aller du côté des hybrides. Pour nous, c'était pas encore assez rentable la différence entre la valeur plus élevée du véhicule neuf et ce qu'on était pour sauver en termes de gaz durant l'année selon notre consommation. Mm-hmm. Mais écoute, quand les véhicules vont s'améliorer, quand les options vont s'améliorer et que ça va devenir encore plus avantageux que ce ne l'est actuellement, ça sera certainement une solution à évaluer et à regarder sérieusement, là. Oui, parce que c'est clair qu'à petit coût, présentement, ils ont le goût de nous amener le gaz à 1,50 $ le litre, là. Ouais. On regarde ça, là. Je sais pas, vous autres, dans votre coin. Moi, je travaille à Ville-Saint-Laurent. Je reste, à Saint-Zotique, plus dans vraiment l'ouest, quasiment en Ontario. Fait que nous autres, ici, on n'a pas de service, on n'a pas d'autobus, on n'a pas de transport en commun. Fait qu'on n'a pas la taxe sur le transport en commun puis tout ça. Mais, tu vois, moi, quand je me suis revenu travailler, là, aujourd'hui, il était à 1,44, 1,45, là, à Montréal, dans Saint-Laurent puis ce coin-là. Puis, rendu chez nous, il est 1,32. Donc, je sauve quand même 12 sous du litre juste à venir gazer dans mon coin. Mais vous autres, c'est quoi dans votre coin? Ça ressemble-tu à ça? C'est à peu près 1,40, mais il y a encore des spéculations qu'il y a un cartel encore à Sherbrooke, vu qu'il y a eu des accusations criminelles dernièrement portées sur des stations-service. Il y a encore cette spéculation-là venant de Québec à Sherbrooke. Vu qu'il n'y a pas eu de baisse significative, ça a toujours été. Ça a jamais eu, il n'y a eu jamais eu de changement de prix. OK. Il y en a qui se pensent qu'il y a peut-être un autre cartel qui se fait encore à Sherbrooke, mais est-ce que c'est vrai? On sait vraiment pas. Ça prend vraiment des preuves, mais à Sherbrooke, vu qu'on l'a vécu une fois, les gens ont tendance à peut-être penser qu'il y a un autre cartel qui se prépare à Sherbrooke encore là. Ouais. C'est le consommateur qui paye pour ça, là. C'est toujours le consommateur qui paye, mais tu sais, à C'est un moment ça. donné, c'est chat échaudé, craint l'eau froide, là, comme on dit. Ouais. Tu sais, à un moment donné. Puis toi, dans ton coin, Jean-Benoît, c'est quoi? Dans mon coin, comme je te dis, je suis pas nécessairement la personne qui va tanker, comme on dit, le plus régulièrement, le plus souvent au monde. Mais il me semble que dans mes impressions, là, ça tourne autour de 1,37, 1,40 depuis OK. les derniers mois. C'est assez stable. Je sais pas si l'effet de distance avec les grands centres puis les fluctuations qui comme semblent se calmer autant pour monter autant que baisser le temps que ça se rende jusqu'à nous semble-t-il que tu sais la vague la secousse est comme moins grande donc la différence reste sensiblement la même mais ça semble bouger mais pas tant que ça là. Ouais, parce qu'au pire, vous autres, tu sais, je veux dire, à distance que vous êtes, puis vous êtes quand même loin des grands centres, ils pourraient vraiment monter le prix puis Oui, c'est ça. demander un prix quasiment incroyable juste De pour. façon artificielle, ça pourrait facilement se faire. Mais nous, non, c'est ça, on se compare habituellement avantageusement avec le secteur de Montréal. OK, mais ça se ressemble quand même. Fait que vous n'êtes Ouais. pas moins cher, puis vous êtes plus loin. Des fois, tu t'éloignes des grands centres, puis le prix baisse. C'est comme nous autres, c'est comme quand même 12 cents de moins, là. Mais non, c'est vraiment. Puis je pense qu'ils sont en train vraiment de. Ils vont être au point qu'ils vont tellement écœurer le monde que les gens qui vont pouvoir se permettre une auto électrique ou un auto hybride pour leur prochain achat. Parce que ça augmente, là. Il y a des statistiques, puis il y a des sondages qui sont faits, puis les Québécois sont prêts pour des auto électriques. Il y a plus de Québécois qui sont prêts pour une auto électrique aujourd'hui qu'il y en avait là, peut-être un an ou deux, là. Ouais, ben écoute Luc, on en parle régulièrement dans les chroniques que tu fais à la radio. On aime beaucoup cette idée-là, l'avenir de l'automobile qui passe par les voitures électriques puis les solutions alternatives. Puis à toutes les fois, tu sais, moi la donnée la plus importante c'est le kilométrage. Parce que vous en ville, ce que tu fais dans une journée, ça sera pas énorme. Sauf que moi des déplacements de longue distance, j'en ai régulièrement. Hier, je me suis d'ailleurs rendu du côté de cette île, c'est 225 km. Faut que tu le fasses deux fois, plus le promenage pour faire les commissions. Tu sais, ça me prend une autonomie d'au moins 500 km si je veux pas être serré, puis si je veux pas, mettons que je tombe en panne, il arrive un accident, que je veux pas être coincé, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ça me prend des solutions qui sont intéressantes de ce côté-là, ça me prend un bon millage. Hier, à cause de la température, ça a fini par nous prendre 4 heures à faire le 225 km. Tu sais, si j'ai une voiture électrique, les conditions météo sont pas tout d'un coup meilleures. Fait qu'il faut que je sois capable de tenir pendant 6 heures dans mon char, tu sais, puis que ça Ouais. roule, puis que le moteur tourne. Ouais. Est-ce qu'on est capable de me l'offrir? Pas encore. Ouais. Pour toi, la seule option présentement, c'est la Chevrolet Volt. Ou la Cadillac ELR, là, qui est une auto qui peut. Que t'as quand même un moteur à essence, un réservoir, puis tant que tu as de l'essence dans le réservoir, tu peux rouler. Ouais. C'est exactement. C'est pour ça que ça, c'est l'alternative qui m'intéresse le plus. Mais comme je suis pas dans un moyen ou encore court terme à m'équiper pour une nouvelle voiture, je suis pas rendu là. Les options vont s'améliorer d'ici ce moment-là. Ouais, c'est sûr. La technologie va toujours s'améliorer, puis les distances qu'on va pouvoir parcourir avec une charge d'électricité pour l'auto va aussi s'améliorer, là. Fait que c'est sûr, d'ici les 5, 6, 10 prochaines années, on va voir encore une amélioration dans les batteries puis dans la technologie, là. Ça prend des recharges aussi qui sont rapides parce que c'est bien beau avoir une durée de la pile, un kilométrage permis, mettons ton 500 km, si ça me prend 11 heures la recharger, on peut plus avancer. Il faut que ça se fasse dans un temps respectable. Mettons qu'on vise un 2 heures. Tu fais tes commissions, tu vas au restaurant, blablabla, tu sais. Si ça se recharge dans un 2 heures, là, tu commences à avoir une voiture qui est polyvalente et qui est utilisable dans toutes les conditions. Ouais, mais avec les chargeurs rapides qui s'en vient, tu vas pouvoir charger 80% de ta batterie en 30 minutes. Bon, voilà, on est rendu à quelque chose qui est intéressant et qui, je sais que j'ai pas une situation qui est normale pour la majorité des gens, mais des personnes en région éloignée, il y en a, là, je suis pas tout seul dans cette situation-là. Non. On commence à avoir des options qui cadrent avec la réalité de pas mal tout le monde. C'est ça. Puis c'est ça. Mais moi je suis probablement dans ceux qui une voiture électrique serait en autant que je peux probablement la brancher au travail pour pouvoir la recharger un peu. Là. Juste pas parce que si j'achèterais, mettons, une Nissan Leaf ou une Ford Focus électrique ou la prochaine Chevrolet Spark qui s'en vient, qui ont toutes des autonomies d'environ 160 km. Moi, je fais 54 km par jour, fait que j'en ai assez pour faire un aller-retour. Mais si je peux la brancher au travail pendant 8 heures que je travaille, même si c'est juste sur le 120 volts là, ou le 110 régulier, mais au moins ça recharge un peu pendant cette 8 heures-là. Puis même si elle n'est pas pleine, elle n'est déjà pas vide quand j'arrive, ça me permettrait d'être toujours certain de pouvoir revenir le soir, fait que faire mon aller-retour sans dépenser aucune goutte de gaz, parce que ça serait sur une auto totalement électrique. Mais c'est ça. Puis si je calcule que ça me coûte 200-225 $ par mois d'essence, mais si je vais me chercher une auto neuve, ben je peux enlever là-dessus le prix de l'auto. Si l'auto coûte 400 $ par mois, 450 $ par mois, mais en vérité, elle t'en coûte juste comme 200 ou 225 parce qu'il faut que tu enlèves l'essence que tu ne payes pas nécessairement sur cette auto-là. T'sais? Mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir une auto comme ça. La personne qui travaille au centre-ville puis qui reste loin en banlieue, c'est pas nécessairement l'option encore qui est parfaite, à moins que tu puisses t'acheter une Tesla Model S qui fait 400 km avec une charge. Vite, Tesla, vite, Ouais. viens-t'en. On a hâte. Mais Tesla, elle existe parce que tu as 70 000 pour t'acheter un char, tu sais. Ouais, oui, mais tu comprends ce que je veux dire par Bon, oui. viens-t'en, Tesla. On en parlait ce matin d'ailleurs dans la chronique. Quand on va être grand public, quand on va viser la masse populaire avec des véhicules qui ont ce genre de capacité-là, là, C'est on va ça. être en business, là. Ouais, ça s'en vient. Comme on en parlait un matin, Tesla s'en vient. Moi, quand j'ai parlé au gars de Tesla à Détroit, qui était super sympathique à part de ça, puis je trouvais qu'il parlait pas mal pour un gars qui. Tu sais, normalement, quand j'ai parlé à Jay Mays, qui est le designer chez Ford, puis je parlais de la Mustang, tu voyais que ça y tentait, mais Il y avait c'était une non. retenue, là. Ah ouais, c'était non, tu sais, c'était non, j'en parlerai pas, puis je peux pas t'en parler, puis même si j'aimerais bien ça, t'en parler, je peux pas t'en parler. Puis C'est genre comme Luc, arrête de me parler, arrête, ça me fait mal de te dire, tu sais, de pas t'en parler, arrête. Ouais, c'est ça. Mais quand j'ai parlé au gars de Tesla, puis j'ai dit, regarde, je dis, la Model S, c'est vraiment incroyable. Vous méritez, je dis au gars, regarde, vous méritez ce qui vous arrive, là, parce que, je veux dire, vous êtes parti de pas grand-chose. Vous avez sorti une voiture qui est quand même incroyable. Les gens ont embarqué. Quand vous avez vendu le Tesla Roadster, tout le monde s'en arrachait, même si c'était, tu sais, tout le monde se l'arrachait, même si c'était basé sur un châssis de Lotus Elise, puis tout ça. Mais regarde, je veux dire, le monde tripait pareil, là. Puis le monde la voulait parce que c'était exclusif, puis ils en vendent plus aujourd'hui parce qu'ils sont tout écoulés, puis ils font plus. Mais là, je parlais du modèle S, puis là, il y avait aussi le modèle X qui va être un espèce de SUV, une espèce de VUS avec des portes en papillon en arrière. Mais ça, c'est le concept. Là, il sortira peut-être pas ça comme ça sur la route directement. Puis là, j'ai dit, mais là, vous avez quoi avez-vous quoi en banque pour le monde qui est, tu sais, peut-être un peu moins fortuné? Parce que le modèle S, là, ça commence à 58 000, 60 000. Ça, c'est, je pense, c'est US, mais ça va jusqu'à 115, 120 000 si tu veux avoir le modèle vraiment équipé, puis avec la plus grosse batterie qui va te donner ça, 400 km d'autonomie, sinon tu as un peu moins d'autonomie. Un bel en C'est chien, là. vraiment une belle, belle voiture, là. Oui. Puis l'intérieur est incroyable, là. Il y a l'espèce d'écran au milieu qui est comme deux, trois iPads dans l'un à côté de l'autre, là. C'est assez impressionnant, là. Ah ouais, écoute, on voit comme une parcelle de futur, là. Je sais pas si c'est la Dart, si je me trompe pas, que dans sa publicité, elles disent allez dans le futur, prendre l'homme du futur, le ramener ici, lui faire concevoir un tableau de bord du futur, tu sais. Puis tu le renvoies chez vous, puis tu dis non, c'est pas lui. C'est comme, mais Tesla, tu sais, je regarde l'intérieur de la voiture, j'ai une image en avant de moi, là, de la modèle S. Là, tu dis, OK, on est en business, là. On a quelque chose qui, tu sais, on n'est pas aujourd'hui dans ma vie, là, dans mon petit Hyundai Accent. Là. On n'est pas là, là. Non. C'est vraiment bien fini à l'intérieur. L'intérieur est vraiment incroyable. Là, quand je me suis assis dedans à Détroit, là, c'est vraiment, vraiment beau. C'est vraiment bien fait. Puis, c'est ça. Quand j'ai demandé au gars, je dis, regarde, avez-vous quelque chose d'autre qui s'en vient? T'sais? Puis là, je m'attendais à me faire dire, tu sais, ouais, mais tu sais, je peux pas t'en parler. Non, non. On finalise le modèle X. Puis après ça, on est supposé sortir un modèle de berline plus abordable. Là, quelque chose entre 30 et 50 000 US. Là. Puis là, je regardais, je vois, ça commence à être intéressant, tu sais, avec les mêmes genres d'autonomie, puis tu le quittes, puis là, ça va être moins cher, on va la faire pour que ça soit plus grand public, parce que là, ils vont pouvoir se le permettre, la technologie, tu sais, c'est toujours ce qu'on appelle les early adopters, là, ceux qui vont en premier, qui payent pour les autres, la recherche puis le développement, c'est eux autres qui payent le gros prix, puis qui permettent à repayer ce que ça a coûté de développer ces choses-là, tu sais. Un coup, ça s'est fait, bien, la compagnie est capable de développer avec les mêmes technologies pour le vendre moins cher. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. C'est-tu ce que j'aime, Luc, dans la façon de procéder de Tesla, c'est qu'on a parti avec un véhicule qui était plus haut de gamme, mais quand même accessible pour mettre en place la marque, ce vers quoi, tu sais, l'idéologie de la marque, là, ce vers quoi on veut s'en aller. On a mis les assises avec un véhicule qui est, oui, c'est du haut de gamme, mais pas du hyper ultra haut de gamme où est-ce que tout le monde dit, oh, oui, c'est bien beau, mais tu sais, il n'y a personne qui est capable de s'acheter ça. Il y a quand même, tu sais, une partie de la population pour qui c'est accessible, là, des véhicules à 70 000, 80 000, il y en a des gens qui en achètent, puis il y en a plus qu'on pense. Ouais. Mais tu sais, on a comme installé la marque avec des véhicules un petit peu plus haut de gamme, mais après ça, on dit, OK, on va descendre milieu. Après ça, tu sais, on va s'en venir vers vous autres. Mais le rêve, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oh ouais. Tu sais, la marque était pas si loin que ça de la population globale. Fait que, tu sais, l'intérêt est là, on fait comme, oh, les autres, on les surveille. Les autres, là, c'est intéressant. C'est pas juste un rêve farfelu, là. Il y a quelque chose à bâtir de ce côté-là. Fait que, tu sais, j'aime la façon qu'on a monté l'intérêt, là, puis l'appréciation du public envers cette marque-là. Oui. Non, non, ils se sont créés un nom, ils ont parti de rien, ils ont une réputation aujourd'hui. Puis regarde, dans la vie, tu réussis ou tu te plantes. Si tu regardes, tu avais Fisker avec sa Karma qui a essayé de sortir un produit semblable, mais la Fisker, elle a un moteur à essence pour prendre la relève s'il n'y a plus de batterie. Mais tu sais, c'est deux compagnies qui sont parties de rien. Une qui vient de la Floride, l'autre qui vient de la Californie. Fisker s'est planté solide, ça n'a pas fonctionné. Puis là, ils sont dans le trouble. Ils n'ont pas produit de Fisker. Il n'y a pas une Fisker qui a été construite depuis les derniers, je pense, 6 à 8 mois. Là. Ils en font plus. Puis sont sur le bord de fermer les portes. C'est à moins qu'ils se fassent racheter ou qu'ils se fassent... donner des fonds par une autre compagnie. Il y a des rumeurs qu'une compagnie chinoise serait prête à embarquer pour les aider, mais c'est pas confirmé. Puis t'as Tesla, une compagnie de Silicon Valley, la place des technologies qui sortent un auto, puis eux autres, ça a fonctionné. Ils ont été d'un autre... Ils ont commencé autrement. Ils ont commencé en prenant des pièces d'une Lotus, puis de faire leur technologie de batterie, puis là, ils ont monté, tu sais. Fait que les gens l'ont reconnu, les vedettes se garochaient sur les Tesla Roadster quand ça a sorti. Il y a plusieurs vedettes de Californie qui en ont. Il y a quelques personnes au Québec qui en ont une. Je pense que, comment est-ce qu'il s'appelle, Guy La Liberté, je pense qu'il y en a une, Tesla Roadster, je me rappelle bien. Il est-tu encore résident de la place, lui? Ben, il y a une maison ici. Là. Je ne sais pas s'il reste ici tout le temps, mais je pense qu'il y a une maison ici. Je sais que c'était un des premiers à avoir une Tesla Roadster au Québec, mais je peux me tromper. Okay. Là, prenez pas ça pour du cash. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, oui, il est québécois, mais on s'entend qu'il n'y a plus vraiment de port d'attache. Là. Il, non, non, il peut habiter où ce qu'il veut, le gars. Ouais, même aller dans l'espace, s'il veut. Ah, ouais, non, c'est ça. Hein. Après, s'acheter un condo, sa station spatiale. Il peut s'en faire imprimer un, lui, un condo sur la Lune. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mais pour en revenir à Tesla, tu sais, ils vont avoir ça. Puis, j'ai demandé au gars, enfin, tu sais, ce qui a fait votre succès, là, c'est votre petit Roadster. Là, y a-tu quelque chose qui s'en vient avec ça? Il dit, Là, il me regarde, puis là, il dit, oh, ouais, il dit, mec, on a fini le modèle familial parce qu'on veut toutes les faire comme il faut. Ils veulent pas s'étendre sur quatre modèles d'un coup. Ils veulent développer ça tranquillement un par un, puis bien faire leur coup. Ils veulent pas se planter. Il dit, on va retourner à nos racines. Il dit, mais cette fois-là, on sous-traitera pas de carrosserie ou rien. Ça va tout être fait maison comme la Model S. Fait que. Ben, ils ont sauvé des coûts dans cette façon de procéder-là aussi, Mais là. c'est la manière de commencer. Je Ben veux dire, oui. tu peux pas tout développer en même temps. Fait qu'ils ont pris quelque chose qui fonctionnait super bien. Parce qu'une Lotus, de base, c'est un auto qui est légère avec un petit moteur. Mais vu que l'auto est tellement légère, ça fait que t'as pas besoin d'un V8 de fou pour faire avancer ça. Puis ceux qui ont eu la chance de conduire ça, des petites Lotus Elise, des petites Lotus Elan, là, ça doit être un petit 4 cylindres de Toyota Celica qu'il y a là-dedans, là, ça se déplace, là. Parce que ça pèse rien. Fait que, tu sais, ils vont retourner à ces racines-là, mais à leur origine, mais ils vont faire quelque chose qu'ils vont développer, designer eux autres mêmes. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir où ce qu'ils s'en vont avec ça. Puis la journée que ça va devenir abordable, on devrait en voir sur nos routes parce qu'en 30 et 50 000, on tombe dans le territoire d'une Chevrolet Volt, là. Oh, et puis directement dans le même cours, là. Ouais, puis la Cadillac ELR, fait que ça va être à voir. Mais l'auto électrique va avoir sa place. D'ici un autre 5 ans, là, d'après moi, on va avoir beaucoup sur les routes. Les gens vont être dus bientôt pour changer d'auto. Puis il y a beaucoup de gens qui voyagent pas nécessairement beaucoup à chaque jour, qui vont se dire, ben regarde, tant qu'à payer une pièce et demie du litre, je suis peut-être aussi bien de m'en aller électrique. Puis si toi, notre auditeur qui écoute ça, te dit, ouais, moi, une auto électrique, ça m'intéresserait, mais je pense m'attendre un petit peu à l'année prochaine, voir les prochaines offres qu'il va avoir. Ben, juste avertir que en décembre, pour janvier 2014, donc décembre 2013, janvier 2014, les montants alloués par le gouvernement vont descendre assez drastiquement. Je pense qu'on passe de 8 000 présentement pour une voiture tout électrique avec une batterie assez grosse, là, comme je parle d'une Leaf ou d'une Ford Focus électrique ou une de ces modèles-là. Si on s'en va vers comme la Volt, c'est 5 900, je pense, parce qu'elle est calculée comme une hybride là, pour le gouvernement du Québec. Mais au mois de janvier l'année prochaine, on tombe à 5 000. Donc on perd 3 000. Fait que si vous êtes vraiment intéressé pour une auto électrique, je vous dirais, c'est le temps d'ici la fin de l'année. Parce que sinon, vous allez perdre sur le rabais au bout de la ligne. Puis, ça me surprendrait que les autos électriques baissent assez de prix pour que ça, t'sais, que ça compense, là, mais on n'est pas rendu là encore, là. Mais c'est une personne qui regarde dans un horizon de 5-6 ans, là, par exemple, la différence peut valoir la peine. C'est ça. Ouais. Parce que ça va descendre assez rapidement dans les prochaines années. C'était vraiment 2011, 2012, 2013 qui étaient les gros rabais. Puis après ça, ça s'en va en descendant 2014, 2015, 2016. Je pense que c'est 2015, 2016, il n'y en aura plus après ça. Donc, vérifiez ça. Si vous êtes vraiment intéressé, c'est vraiment la meilleure année pour acheter une auto électrique, c'est cette année. Il y a toujours un rabais pour la borne aussi le gouvernement rembourse jusqu'à 1 000 $. Ce que j'ai appris. Par exemple, je me suis informé, j'ai écrit cette semaine à ceux qui s'occupent du programme de roulée électrique, là. Puis, si vous achetez une auto usagée, pour avoir le rabais sur la borne, faut pas qu'il y ait déjà eu une demande sur la même auto pour une borne. C'est-à-dire que si vous achetez une auto usagée qui a déjà été installée chez quelqu'un, puis cette personne-là a fait installer une borne chez eux, ben, vous n'avez pas droit au rabais pour la borne. Moi, ça empêche une situation où est-ce que la même voiture passerait, mettons, de 4-5 usagers, puis on aurait un rabais sur les bornes à chaque fois, tu sais. C'est ça. Je trouve. Fait. Oui, Jean-François, t'allais dire Non, quoi? c'est correct parce que je trouvais ça un peu bizarre, mais avec l'explication, oui, je comprends là, les subventions, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça, là, avec les voitures usagées, là. Et ça, parce que la borne est attachée au numéro de série de la voiture. OK. Fait que c'est une borne par voiture achetée, puis il faut qu'elle soit installée chez le propriétaire de la voiture. Fait que ça peut pas être, mettons, à dire, oh, moi, je vais la faire installer au travail. Non, il faut qu'elle soit installée chez vous, à ton adresse de résidence. À moins que tu sois une compagnie, dans ce cas-là, c'est correct, là. Mais, fait que Dans c'est ce ça. cas-là, c'est à cause du voisin. Ouais. Fait que c'est vraiment seulement une borne par voiture, puis elle est attachée avec le numéro de série. Fait que on peut pas avoir acheté une voiture usagée, parce que moi je regardais une Leaf usagée. Il y a quelques Leaf usagés à Montréal des 2012, puis ils se vendent 23 000. Fait qu'on s'entend qu'un char de 38 000 qui a comme 15, 20 000 kilomètres pour 20, 23 000, ça me titillait un peu. Mais là, il faut que tu calcules cet usager, puis il y a une borne qui a été installée dessus. Ben, il faut que tu payes la borne plein prix, puis tu n'as pas de rabais pour. Fait qu'une borne, c'est à peu près, c'est aux alentours entre 1 000 et 1 500 à faire installer, à acheter puis à faire installer, là. Parce que ça soit installé par un maître électricien aussi pour avoir le rabais. Puis il y a quelques petites règles à suivre, là, mais en tout cas, c'est ça. Mais juste pour dire que je commence à être vraiment intéressé parce qu'à une pièce et 40 du litre, là, ça commence à faire. Puis, c'est compréhensible. Moi, la dernière fois, j'ai été remplir la bagnole. Il y avait comme un autre véhicule, c'était un camion, puis il dit à coût de 500$ pour une tankée, là, des gros camions de business, là, ouais. Ça commence ça fait mal même pour les entreprises. Mais à comparer, on se console pareil. Quand je suis allé gazer l'auto hier, puis j'arrive à la caisse, la madame en avant de moi, la caisse, elle regarde, elle dit c'est 110$. La madame a dit oui. Avec mon 60, je suis quand même pas si pire. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Mais elle avait l'air d'avoir un gros Dodge Ram V8, là, tu sais. Fait qu'il y a une grosse tank après ça, puis ça doit boire un peu plus que ma Mazda 3 2008, qui est quand même pas économique, là. Puis c'est drôle, là, tout le monde à qui je parle qui ont des masses de 3 de ces années-là sont toutes comme « Ouais, ça boit comme un truck. » Mais oui, quand je l'ai acheté, le gars m'avait dit « Non, ça boit pas tant que ça. » Mais tu sais, c'est un concessionnaire Mazda qui me vendait un char usagé, là. Mais les nouvelles sont beaucoup mieux. Là. La Sky Active, j'avais essayé l'été passé. C'était beaucoup, beaucoup mieux que ça, là. Mais la Mazda 3 2008, là, c'est pas tellement économique. Donc, si vous magasinez un char usagé, c'est... Si c'est ça. Peut-être aller voir d'autres modèles qui soient un peu plus économiques. Donc ça a passé un peu sur les voitures électriques. Puis c'est ça. Ça a tout parti avec le CAA qui a dit qu'on se faisait avoir avec notre essence. Mais ça, on le sait tout qu'on se fait avoir avec l'essence. Ouais, c'est ça. Que ça soit pour une raison ou pour une autre, là. Ouais, mais on a juste appris à plus rien dire, tu sais. Voilà. Fait que c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Donc, à part de ça, ben, c'est assez tranquille, quoique le salon de Chicago ouvert aujourd'hui. Il y a eu quelques présentations. Kia. J'aime toujours ça quand je commence avec une phrase. Kia présenté. Kia avait apporté sa nouvelle Forte à Montréal. On avait vu la version deux portes. Donc, je suis en train de me mélanger de char, moi, là. J'ai vu trop de char au salon de Montréal puis à Détroit. Mais en tout cas, Kia. C'est ça, hein, quand on travaille trop, hein? Non, c'est ça, c'est la nouvelle Forte. C'est parce que là, je suis en train de me mélanger entre Kia et Hyundai, là, c'est comme. Mais c'est ça, Kia qui avait apporté la Forte 4 portes avec une valise ordinaire, donc la berline Forte à Montréal, en première canadienne. Je l'avais trouvé vraiment jolie, c'est une belle petite auto. À Chicago, aujourd'hui, ils ont présenté la version 5 portes, donc la Forte, ce qu'ils appellent la Forte 5. C'est quand même c'est très joli, ça vient chercher les lignes de la Forte avec une valise, donc la Forte berline. Sauf que là, vous avez un hatchback, finalement, un peu comme la Mazda 3 Sport. Très joli, ça devrait très bien se vendre. Ce que j'ai hâte de voir, par exemple, c'est est-ce qu'ils vont ramener la Forte Coupe aussi, qui était la petite Forte 2 portes. La Forte Coupe, qui était... j'ai toujours trouvé la Kia Forte, même l'ancien modèle, je la trouvais vraiment jolie. Là, ça avait un beau petit look. Mais la Coupe avait quelque chose de... Tu sais, un peu mieux. Là. C'était vraiment, ça avait un look sportif plus agressif. Fait que j'ai hâte de voir s'ils vont ramener la coupe dans la nouvelle version avec la nouvelle carrosserie. J'imagine que oui, mais j'imagine qu'ils font juste nous donner ça un peu au compte-gouttes. Ils nous ont donné la Forte un peu avant, puis en première mondiale ici, en première canadienne ici. Là, ils donnent la Forte 5 à Chicago. Ils vont-tu nous garder la Forte Coupe pour le show de New York qui va être au mois d'avril? Peut-être qu'ils vont nous présenter ça là. Il y a une bonne petite gamme de moteurs. Il y a un moteur 2 litres ordinaire là, qui va faire 173 chevaux. Puis on va aussi un moteur turbo 1,6 litres qui va donner 201 chevaux. J'imagine, vu que Hyundai Puis Kia partage leur motorisation, partage leur moteur. J'imagine c'est probablement le même moteur qu'il y a dans que chez Hyundai dans la Hyundai Veloster, la turbo. C'est probablement quelque chose comme ça, parce que ça donne ça 201 chevaux. Fait que, puis 195 livres-pieds de couple. Belle petite voiture, ça va être quelque chose à regarder si vous êtes sur le marché pour une voiture avec un hatchback, là, une petite valise, un haillon, comme on dit. C'est plus pratique qu'une voiture à berline régulière. Puis à date, à ce que j'ai lu, en tout cas le magazine Motor Trend semble beaucoup avoir aimé la nouvelle Forte. Donc, ça a l'air d'être bien parti pour Kia. Kia et Hyundai qui ont le vent d'un voile depuis plusieurs années. Puis à chaque fois qu'ils refont leur modèle, c'est quand même toujours mieux que le modèle d'avant. C'est rare qui s'améliore pas. La Forte était due pour un changement. Puis là, avec les petits changements qu'ils ont fait pour la carrosserie, puis les moteurs, puis les options qu'on peut avoir à l'intérieur, surtout qu'une Forte de base, on a les sièges chauffants, là. Tu sais, je veux dire, pour un auto de qui va sortir, on n'a pas les prix encore, là, mais j'imagine que ça va être à peu près dans la même gamme de prix que celle qu'on peut avoir présentement. Là. Ça commence à quoi? 16, 17, 18 000, peut-être 18, 19 000 pour une Forte. Là. Quand tu as des sièges chauffants de base pour un char en bas de 25 000, ça commence à avoir de l'allure. Oui. À part les jantes en fleurs là, sur l'image que je vois là, c'est pas mal beau. Je trouve ça joli, mais à part ces jantes là, moi je changerais ça, mais bon, ça c'est une question de goût là. C'est ça, mais c'est-tu vraiment les jantes, est-ce que c'est vraiment les jantes qui vont avoir dessus quand l'auto va rentrer chez concessionnaire? T'sais, des fois c'est pas nécessairement ça. Comme un les pires jantes que j'avais vues, c'est ceux de la Kia Optima de base là, ou celle qui annonce à la télévision là, qui roule dans le désert, qui est la hybride. Les jantes de cette voiture là, je suis vraiment pas capable, c'est vraiment affreux. Pourtant l'auto, je l'adore, pour moi c'est une des plus belles berlines sur le marché, mais quand je regardais les jantes qu'il y avait là-dessus, je me suis dit non. Puis quand j'en ai fait l'essai, quand Kia m'avait prêté une Kia Optima Turbo, c'était pas ces jantes-là que j'avais dessus, puis j'étais vraiment content, puis elle était vraiment plus belle. Ça donnait vraiment un look différent à l'auto. Au moins, tu regardais, puis il n'y avait rien qui criait. Quand je regardais juste la Kia à d'autres places avec les jantes que j'aime pas, je regardais, puis il y avait toujours quelque chose qui accrochait, puis je retournais toujours aux jantes, mais avec les nouvelles jantes qu'il y avait sur celles que j'ai essayées. Ça aidait beaucoup, puis je la trouvais beaucoup plus belle, même si l'auto est magnifique dans son design, là, mais les jantes, ça aidait. Donc, Jean-Benoît, es-tu toujours là? Oui, ben oui. OK, c'est parce qu'on a perdu, on perd de temps en temps notre ami Jean-François, fait que ça paraît pas nécessairement quand il part. Il est tellement pas fiable. De temps en temps, son Internet le lâche et il revient. Oui. Je pensais que c'était mon Internet, c'est mais non. C'est très tannant. C'était celui à Jean-François, parce que sinon je perdrais aussi Jean-Benoît. Moi, j'étais omnubilé par les jantes de la Kia Optima Hybride 2012. Là, c'est vrai, le regard accroche vraiment vers les jantes. Oh, on sait qu'ils ont essayé de faire du remplissage. Je sais pas, moi, je trouvais que ça avait l'air d'une râpeuse à fromage. Là, une espèce de robot culinaire, là, l'espèce de lame dans le fond d'un robot culinaire. Je trouvais que ça ressemblait à ça. Puis, je veux dire, c'est un design différent. C'est sûr que ça va attirer l'œil parce qu'on voit pas ça comme ça. C'est presque plein, là. Mm-hmm. Ça a presque l'air d'un mag ou d'une jante pleine, mais avec des petites ouvertures. Mais pour en fait, moi, c'est comme si on avait fait l'inverse de des jantes habituelles. C'est comme si les branches, c'était le vide. Puis où est-ce qu'il y a le vide normalement entre les branches? C'est les bouts de plein. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est peut-être le style qu'on essaie d'aller chercher. Moi, j'aimais pas. C'est vraiment la seule chose qui accrochait quand je regardais la voiture. Puis comme je t'ai dit, celle que j'avais, c'est pas ces jantes-là qu'il y avait. Fait que j'étais vraiment, vraiment content de ça. À part de ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'annoncé aujourd'hui au salon de Chicago? Parce qu'aujourd'hui, quand je parle d'aujourd'hui, je parle du 7, là, parce que c'est sûr que vous n'écouterez pas le podcast le 7, ce sera pas encore en ligne. Mais le 7, c'était la journée média, fait qu'un peu les mêmes journées que j'ai eu le droit d'aller au salon de Montréal puis celui à Détroit. C'est la journée avant que ça soit ouvert au public. Il y a aussi eu Chevrolet qui a annoncé la Cruze turbo diesel au diesel propre. On avait entendu parler déjà, on savait que ça s'en venait, mais Là, ça a été annoncé. À quel prix? Mais ça va être 25 695 $ US. Donc, il va falloir calculer peut-être 27 au Canada, j'imagine, 27, 28 au Canada, parce qu'on paye toujours plus cher nos autos. Si on est chanceux, là, peut-être 27, 2000 pièces de plus, là. Ça va être un moteur turbo-diesel de 2 litres, donc un 4 cylindres qui va donner 148 chevaux, 258 livres-pieds de couple, parce que les moteurs diesel sont très hauts en couple. Va faire le 0 100 km en 8,6 secondes pour une berline. On s'entend-tu qu'on n'aura pas faire de drague avec ça, là. Pour une consommation estimée de 5,6 litres aux 100 km. Fait que ça a de l'allure. 5,6 litres pour une berline de ce grosseur-là qui n'est pas hybride, qui a pas de moteur électrique pour aider. Là, ça commence à avoir pas mal de sens. De ce que j'en vois côté de design, on est dans le très très anonyme. Là, de ce que... C'est une cruise, là. C'est la voiture grand public de Chevrolet. C'est joli. C'est pas rien qui va. C'est rien qui va casser la baraque, là. Je veux dire, c'est pas une voiture qui est là pour épater, là. Mais je trouve que pour une berline, c'est une berline qui quand même, dans le lot ou dans sa catégorie, a quand même un beau look. C'est sûr que c'est pas la voiture, comme je te dis, qui va faire tourner des têtes, mais moi, je la trouve très jolie quand même. Le design est quand même beau. C'est très épuré de ce que je peux voir là. J'ai l'impression que ça passe. C'est ça, je disais anonyme là. C'est mon impression vraiment, puis ça se maintient là. C'est ça, mais c'est une voiture que tu vas acheter pas pour impressionner la galerie, mais c'est une voiture que tu vas acheter parce que bon, tu sais que ça va être fiable. À date, la Cruze est extrêmement fiable. Les gens qui en ont conduit disent que c'est très confortable à rouler. Moi, j'ai été voir, l'intérieur est vraiment bien fini. C'est quand même très beau l'intérieur, là. Ça a pas l'air cheap, là. Moi, c'est une belle. Être dans le marché pour une auto comme ça, c'est une de ceux que j'irai voir. C'est une de celles que j'irai voir pour acheter. Pas parce que ça va impressionner le monde que tu conduises une Chevrolet Cruze, mais parce que tu sais que tu n'auras pas de trouble avec ça pour plusieurs années. Hey, le monde qui sont impressionnés par une Cruze, ça cogne pas, ça court pas les rues, là. Non, mais c'est assez tranquille dans cette section-là. Là. Ça va te prendre. Ben, la plupart des autos dans cette catégorie-là, ça fait pas nécessairement tourner des têtes. Là. C'est fait pour être fonctionnel, t'amener du point A au point B, puis pas avoir de problème, puis pas être au garage toutes les 2 semaines pour aller faire réparer. T'sais. Ouais. Fait. Puis le diesel, ben c'est quelque chose qui manquait sur le marché. Il n'y a pas beaucoup de voitures diesel qui sont offertes. Mais ça s'en vient de plus en plus, là. Il y a la Cruze qui va avoir le diesel. Volkswagen, bon, a du diesel depuis plusieurs années. Il y a Jeep qui a annoncé qu'ils vont avoir un Jeep Cherokee, un grand Cherokee qui va être diesel. T'as Mazda qui a annoncé sa Mazda 6 qui va être diesel. Fait que je pense que certaines compagnies tâtent le marché présentement pour voir si les gens sont intéressés au diesel, puis on va voir la réaction. On est plus ouvert au diesel au Québec que partout ailleurs au Canada, puis on est plus ouvert au diesel au Canada que n'importe où aux États-Unis. Beaucoup de monde pense encore le diesel, ils voient un gros camion, puis des pompes à essence super sales, puis que ça pue, puis tout ça. Là, c'est plus ça aujourd'hui, là. Mais faut changer la perception, puis on va voir ce que ça va donner. Si vous voulez voir ce que ça a l'air, vous pouvez aller faire un tour sur le site du podcast auto, là, www.podcastauto.ca. J'ai mis la vidéo que Chevrolet a mis en ligne là, pour montrer la Cruze. On voit une petite madame qui conduit son auto, puis qui arrête à la station d'essence, qui fait le plein, puis qui s'en va se promener. Puis je sais pas si la police l'a arrêté un peu plus tard, parce que moi, d'après ce que j'ai vu, elle a pas payé son gaz. Mais... Vu de même. Elle arrête, elle met du gaz dans le char, à part, puis moi, je l'ai jamais vu insérer une carte de crédit où elle a sûrement pas été à l'intérieur, parce que elle a déposé le fusil à essence, puis elle s'est assise dans l'auto, puis elle est partie. Fait qu'elle a pas payé son gaz. Luc, va voir le lien que je viens de te transférer. C'est une image de la Chevrolet Cruze 2014. Et regarde le capot. Sincèrement, j'ai de la misère avec cette ligne-là. C'est comme s'il y avait un semblant d'ailette ou de bombure sur les extérieurs. Je trouve ça vraiment bizarre. De côté, on le voit pas vraiment. Ça semble une ligne intégrée. Là. Ça semble être juste un profilage, mais de devant, on voit que c'est comme surélevé. Sincèrement, c'est un peu bizarre. Là. C'est une encaveur. La Volt a la même chose, sauf qu'au lieu d'être là, c'est beaucoup plus à l'intérieur. C'est moins prononcé. Fait que je sais pas si c'est un nouveau style qu'ils veulent aller chercher avec, au lieu d'avoir un capot plus élevé avec des ailes qui descendent, avoir le contraire. C'est peut-être un nouveau style qu'ils veulent donner. C'est, moi, je trouve pas nécessairement ça laid, mais oui, ça fait différent de ce qu'on est habitué de voir, qui est normalement le contraire. Normalement, le capot est plus haut, puis ça descend, là, ça, c'est plus bas, puis ça remonte. Mais c'est effectivement différent, mais on le voit moins sur, si tu regardes la vidéo de la cruise diesel, on le voit moins, ça. Mais j'ai plus l'impression aussi que ce que tu as comme image, c'est plus un rendu, un dessin, qu'une vraie voiture. Donc, je sais pas si vraiment le capot est comme ça. J'ai jamais remarqué. Il me semble que les cruises que j'ai vues, le capot est pas encavé, il est surélevé. Mais c'est peut-être quelque chose d'autre, ça. C'est peut-être. Ou C'est si là ça que le peut être. support visuel serait intéressant dans le podcast. Luc, Ouais, commande! on fera peut-être ça à un moment donné, mais qui dit support visuel dit Ah fichier ouais. beaucoup plus gros. Et Oui. beaucoup plus de travail pour le monteur. Donc, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Non, Non, je faisais ça avant pour mon ancien podcast, puis ça me prenait une journée. Éditer le podcast au complet, on va essayer de pas se donner trop trop de travail de plus parce que c'est rare le monde qui la plupart du monde écoute ça dans leur auto puis avoir un support visuel dans l'auto pas nécessairement champion là, c'est pas la meilleure affaire à faire. Donc Cruise Diesel qui s'en vient, si ça vous intéresse, ça devrait arriver sur le marché, j'imagine d'ici la fin de l'année. Je pense que c'est vers l'automne, je me semble c'est troisième ou dernier quart de 2013 que ça va être disponible. Fait que vous allez pouvoir regarder ça. Il y a Dodge qui a annoncé des versions plus retour à leurs racines de la Charger, du 300 et de la Challenger. C'est des versions SRT8 avec des sièges en tissu, pas nécessairement de cuir, puis tout ça, là. C'est vraiment des autos qui vont être plus basées sur le look extérieur et la performance. Très joli. Le nouveau Charger, je trouve qu'ils ont fait un beau travail avec pour le modifier, puis lui redonner juste un look un peu plus agressif. Le Challenger, c'est une voiture qui est magnifique, même si malheureusement, côté conduite sportive, c'est un peu moins agile peut-être que la Camaro puis que la Mustang, là, dû peut-être au fait que c'est bâti sur une plateforme de voiture berline et non pas vraiment une voiture sport. Puis la nouvelle 300, depuis qu'ils l'ont changée, est vraiment, vraiment magnifique, là. C'est des belles voitures. Ça va être des voitures probablement qui, j'imagine, vont être en quantité limitée. Ce ne sera pas nécessairement des quantités qui vont être faites à pu finir. Les prix vont être quand même assez élevés. Là, on parle en argent américain, là, toujours, parce que les prix canadiens ne sont pas encore sortis. Mais on parle. Le Challenger SRT8 devrait commencer à 39 000. Bon, c'est 38 995. Le 300 va commencer à 44 000. C'est 43 995. On s'entend que c'est 44 000. Puis le Charger SRT8, j'ai-tu le prix? 41 995. Fait 42 000. Fait que c'est sûr que c'est des voitures assez chères, mais c'est des voitures plus haut de gamme avec les gros moteurs MI de 6,4 litres qui vont vous donner, dépendant de l'auto, là, entre 470. 470, ben c'est 470 HP pour toutes les versions. C'est juste la vitesse maximale qui change, mais ça, la vitesse maximale. Là. Si vous faites ça sur une route du Québec, je vous souhaite bonne chance. Vous n'êtes pas supposé. Non, vous n'êtes pas supposé, puis c'est pas Avec les juste. routes aussi. C'est dangereux. Pogner un nid de poule à 180 km/h, je suis pas certain. Donc, ben, je suis certain que vous allez prendre le champ. Donc, il y a ça qui a été présenté. Il y a de quoi d'intéressant aussi. Ah, BMW qui a annoncé un peu, ça c'est pas à Chicago, là, elle va être montrée à Genève au mois de mars, exactement dans un mois. C'est le salon de Genève s'ouvre le 7 mars. Sa nouvelle gamme de produits i. Il y a la i3, puis il y a la i8. La i8, si vous n'avez pas vu, c'est quoi? Il y avait une annonce à un moment donné de BMW à la télévision où ils montraient une auto qui était presque transparente, une auto avec un look hyper sportive, qui était presque transparente, avec des portes quasiment toutes en vitre. Elle était aussi sur la couverture du guide de l'auto de l'an passé, si je me rappelle bien. C'est une voiture qui était Il y a des missions prototype. impossibles, hein? Je sais pas, je pense que oui. Je Ouais, pense que hein? oui. C'est une voiture qui était concept, qui va être produite, mais la plus intéressante, c'est pas nécessairement la i8. La plus intéressante, c'est peut-être la i3. La i3 qui va être une voiture, une petite voiture, une pas micro-voiture, mais une petite voiture, peut-être la grosseur d'une Chevrolet Spark, peut-être un petit peu plus gros qu'une Smart, mais dans le peut-être grosseur d'une Yaris là, dans ce coin-là. Ce qui va être intéressant aussi, c'est une BMW. Est-ce que ça va se vendre à un prix abordable pour monsieur et madame tout le monde, ou ça va être vraiment plus haut de gamme, mais Ça va être produit, ça. ça va être produit. Ça va avoir 300 km d'autonomie avec un plein d'essence et une batterie pleine. Sur la charge, l'auto devrait faire 161 km sur la batterie. Puis après ça, ben, il va faire la différence sur le moteur à essence. On s'entend que c'est un petit moteur à essence, et c'est un petit réservoir d'essence aussi. OK. Fait que pour la légèreté, j'imagine, pour pouvoir faire plus de kilométrage sur une charge, ils veulent que l'auto soit pas trop pesante. Tu sais, c'est un petit moteur 2 cylindres qu'il va avoir dans l'auto. Ça vient des motos BMW. Donc, j'imagine, ça va être un peu comme la Volt. J'imagine que le moteur ne fera pas nécessairement tourner les roues, va juste recharger la batterie. Ça va être à voir, là. Il n'y a pas vraiment, c'est pas totalement sorti comment l'auto va fonctionner, mais ça devrait être dévoilé plus à Genève. Donc, dans un mois, on devra en savoir plus. Ça devrait être disponible ici parce que l'auto était en montre au salon de l'auto de Détroit. Je l'ai vu à Détroit, là. Ça a un look particulier. Mais bon, c'est une voiture électrique. Fait que les voitures électriques, on est plus prêt à accepter peut-être les looks particuliers, tu sais. Mais c'est quand même joli. C'est pas laid. Ça ressemble à une Smart un peu plus grosse. Ouais, Donc, ouais, ouais. une Smart, c'est pas nécessairement laid, là. C'est quand même assez joli. C'est juste que c'est tout petit. Mais ça ressemble à une Smart un peu plus grosse. Ouais. Ça devrait être un 2 plus 2, peut-être, un 4 places. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai surtout hâte de voir le prix que ça va se vendre. Le design final, tu sais, je vois différentes images actuellement. On dirait que le design final est pas arrêté encore, surtout le devant de la voiture, là. Je ne sais pas si c'est celui-là avec le capot qui est d'une couleur puis la caisse qui est complètement d'une autre couleur. Ouais, moi, celle que j'ai vue était orange et noir. OK, donc ça OK. semble être celui-là. OK. Ça ressemble à être ça. Le design est pas mal fini, mais là, OK. on s'entend que quand ça va sortir, tu vas avoir une carrosserie probablement d'une couleur complète, là. Unis, ouais. Mais si je me rappelle, celle de Détroit, le toit est en verre. Fait que le toit était OK. complètement vitré. Oh. Fait que c'était non, c'est super joli, là. Ça va venir rivaliser. J'espère qu'ils vont faire une auto qui va venir rivaliser un peu avec la Smart. Smart, ça appartient à Mercedes, hein. Fait que j'imagine BMW Mais aimerait. ça a l'air plus gros qu'une Smart, Ça a l'air plus là. gros qu'une Smart, mais il Ouais. faudrait que ça soit dans les prix d'une Leaf, ou dans les prix d'une voiture de cette catégorie-là pour être compétitive. À moins que BMW fasse juste aller chercher le haut de gamme, les clients qui ont beaucoup d'argent. Mais s'ils veulent compétitionner avec BMW qui ont la Smart dans ce marché-là, il va falloir qu'ils mettent ça abordable, ça veut dire en peut-être 30 000, 32 000 avant les rabais gouvernementaux et ces choses-là. Parce que la Smart électrique va être le véhicule électrique le moins cher sur le marché. Il va être 26 000, 25 000, mettons, de base, là, le modèle avec un toit dur. Puis il va y avoir une convertible qui va être aux alentours de 30 000, 29 000, là. Fait que, je veux dire, ça va être l'auto électrique la plus abordable. Son seul Ouais, mais là, modèle, la c'est à Smart, deux places. t'as pas de banquette en arrière. La Non. i3, t'as l'air d'en avoir une. Du moins, de ce que je vois, j'ai l'impression que t'as de l'espace pour en mettre une. C'est Donc, ça. déjà là, plus de place égale véhicule qui risque d'être plus cher, là, Ouais, mais. dépendamment de la qualité de fabrication puis ce qu'on met dedans, là. C'est ça, mais comme on dit, ils s'en vont. Est-ce qu'ils veulent toucher le marché de l'auto, monsieur, madame, tout le monde, ou ils veulent toucher le marché de l'auto de luxe? S'ils veulent toucher le marché de l'auto de monsieur, madame, tout le monde, il ne faut pas que ça dépasse le prix d'une Leaf. Présentement, le prix d'une Leaf au Canada, le moins cher, c'est 38 000. Fait qu'il faut qu'il aille alentour de ça. Mais là, Nissan s'en vient avec une Leaf, je pense, à 32 000. Un peu moins équipé, ou c'est la même Leaf que la 38 000, mais ils vont descendre le prix dessus, là. Mais il y a une Leaf de base qui s'en vient. C'est disponible, ça va être disponible au Japon, puis ça a été annoncé pour les États-Unis et l'Amérique du Nord aussi. Fait que la Leaf va baisser de prix. Fait que ça va peut-être forcer tout le monde à s'ajuster aussi. Fait que ça va être à voir, là. Fait qu'on va, on va avoir une idée à Genève. Ils vont probablement annoncer le prix en dollars américains, puis en dollars en euros. Fait que ça va nous donner une idée pour le prix canadien. Puis ça va voir, on va voir là aussi quel marché qu'ils veulent toucher. Puis on va probablement avoir une date de sortie aussi parce que c'est supposé sortir avant la fin de l'année. Fait qu'on va laisser un peu ça. On va aller avec, avec vos petites parties à vous. Jean-Benoît, tu avais une petite partie que tu voulais faire. Tu voulais nous parler des annonces d'auto du Super Bowl. Tu as ramassé ça dernière minute là, parce que je t'ai invité vraiment dernière seconde pour venir boucher le trou de Steve qui fait sauter son modem juste pour pas faire un podcast un jeudi soir. On le sait bien, hein? Pas ouais, fiable. Steve, non, il est pas fiable, Steve. Fait que parle-nous un peu des belles annonces du Super Bowl que je n'ai malheureusement pas vues parce que nous, ici à Montréal, je sais pas si c'est Vidéotron ou le CRTC décide qu'on n'est pas assez mature pour voir les annonces qui viennent directement des États-Unis, donc nous autres on voit les annonces canadiennes. Ben non, il faut protéger les petits distributeurs canadiens, il faut protéger les chaînes canadiennes, voyons donc. Ouais, c'est ça, surtout qu'ils prennent le feed direct de CBS puis ils nous présentent ça puis ils mettent juste leur logo par-dessus là. Exactement, mais moi j'ai pu voir en direct les pubs. J'étais branché sur CBS au State. Ouais, toi et Jean-François, fait que vous allez pouvoir en parler, puis moi je vais avoir le J'irai pas avec toutes les pubs parce qu'on s'entend qu'il y en a eu un méchant paquet. Juste ta meilleure puis ta pire. Là. Ouais, c'est ça. J'ai comme un top 2 dans les meilleures et j'ai une pire, celle qui m'a le plus laissé un froid. C'est directement du constructeur américain Jeep. C'est Chrysler qui nous a présenté une publicité à saveur extrêmement patriotique où est-ce qu'on voyait un soldat américain revenir à la maison, la famille est en pleurs, tout le monde est heureux et il revenait tellement gagnant, tellement victorieux de cette bataille, de cette mission de bravoure dans son Jeep. Tout ça se sentait à plein nez le patriotisme et l'embauche pour l'armée américaine. D'ailleurs, la pub était réellement faite en association avec l'armée américaine. Ça avait comme... Ben, tu sais, pour nous, ici au Canada, déjà, ça n'a pas la même saveur. Ça sent le trop-plein, tu sais, déjà. Mais je peux comprendre qu'aux États-Unis, ce genre de publicité-là marche extrêmement bien. La saveur patriotique, on sait comment ce que c'est. On les connaît. Écoute, dès que tu as un film américain, on dirait qu'éventuellement, dans le film, il faut que tu aies un gros plan du drapeau, comme si tout le monde avait ça, un gros drapeau, puis que tout le monde le filmait. On dirait que ça prend tout le temps, cette scène-là. Mais ben, le Super Bowl a eu son moment patriotique. Merci Jeep et Chrysler. Puis moi, ben écoute, sincèrement, ça passait pas. Je suis pas pro-guerre, je suis pas pro-armée. Donc, tu sais, la recette pour moi ne s'appliquait vraiment pas et c'est ma pire publicité. C'est celle qui était le moins... on dirait qu'elle aurait pu être faite pour n'importe quel moment. Tu sais, le Super Bowl, on s'attend à ce que ça soit des publicités qui, tu sais, qui a une envergure, qui a un punch, qui, tu sais, on s'attend à quelque chose de gros. Mais dans le domaine des publicités de voitures, c'était vraiment ma pire. Okay. Sinon, dans les meilleurs, on va y aller avec ma numéro 2. On va y aller comme ça. C'est Kia qui nous a présenté une publicité qui se nommait Respect the Tech. Et c'est un gars qui semble être dans un genre de salon automobile. Il arrive en avant de la Kia Forte. Et, regarde ça un petit peu nonchalamment. Et il fait la fameuse... il me semble qu'on fait tout ça. On a de l'air d'un pro, là. Hein? Quand on a un petit coup de pied sur un pneu, là. Mm-hmm. Tu sais, voir la solidité du véhicule. Et là, regarde donc ça, les deux petites demoiselles qui présentent la voiture qui sont des genres d'androïdes robotisés, je ne sais pas trop quoi, qui décident de... Ah ouais, tu donnes des coups de pied sur notre bagnole, nous autres, on va te botter aussi. Donc, s'ensuit une scène assez cocasse dans laquelle le dude en question se fait violemment ramassé et c'est un beau botté de placement à la fin de la publicité. Donc, Respect the Techno, c'est Kia qui signait ça. C'était dans les très, très drôles qu'on a eu dans ce Super Bowl. Okay. Sinon, première position, parce que la bagnole, elle est tellement jolie, c'est Audi. Et parce que j'ai déjà vécu un moment de ce genre-là, ça s'appelle The Prom. Et c'est un jeune homme qui... c'est un jeune homme qui, le soir de son bal, il est à la maison un peu piteux. Et son père lui lance le bouquet de clés. Il dit, tu peux prendre la voiture. Fait que le flow, il fait comme, ben, pour vrai, là? Ouais, ouais, ouais, tu peux y aller. Et là, il part à vive allure avec la belle Audi 2013, un design comme on les connaît de chez Audi, là, du classique, mais tellement chic, tellement, tellement beau. Il arrive avec son petit suit à la James Bond, tu sais, avec le nœud papillon, la patente. Et là, il arrive dans la salle de bal, tout le monde est en train de danser, et lui ne fait flèche de tout bois, traverse la salle en petite drette, là. Traverse tout le monde vers la reine du bal, la revient de bord, la French, pendant 3-4 secondes facile, tu sais, puis la fille a de l'air d'aimer ça. Et là, tu vois en arrière-plan le roi du bal, qui est comme son cavalier à elle, qui se déveille. Et là, écran noir, on revient sur la route, direction inverse, l'Audi file à vive allure, et gros plan sur la face du Flo qui est en train de chauffer, le sourire aux lèvres et un gros œil au beurre noir. J'ai vécu quelque chose d'à peu près semblable avec une fille qui avait un chum, puis j'ai pris mon courage à deux mains, puis non, j'ai pas mangé une volée, non, je conduisais pas une Audi, la vie est pas si bien faite que ça finalement, mais tu sais, il y avait comme, tu sais, j'avais un sentiment d'appartenance envers cette publicité-là, et vraiment, elle avait du chic, elle avait de l'humour, elle présentait une voiture d'exception, bien entendu, tout était là pour une réussite. C'était pas de l'humour, tu sais, c'était pas du trop humoristique, c'était pas du flashy, c'était pas, elle était sobre, elle était efficace, elle était drôle, elle avait tout pour elle, cette publicité-là. Sincèrement, c'était mon coup de cœur de la soirée. Bon, ben c'est parfait. Merci pour ce petit tour d'horizon de tes meilleures et ta pire annonce. Ouais. On va finir avec GF parce que GF, ton internet vient encore de te lâcher. Oui. Donc, on va espérer que tu peux finir ton petit bout sans que ça lâche. Tu vas nous parler de course automobile selon ce que tu m'avais parlé. Viens-tu de lâcher? Non, je le vois encore. GF? Pour moi, il a lâché. Pourtant, j'ai pas Skype, me dit pas. Ah ouais, Skype vient de me dire qu'il est parti. Donc, on va voir si on peut faire la chronique avec GF, sinon. GF? Je pense qu'il faut pas te dire qu'on va déconnecter parce qu'il se déconnecte tout seul. Ouais, non, tu coupes beaucoup, fait que t'as l'air ou un problème d'Internet. Ouais. On va essayer de faire ça. Si t'es capable de faire ça rapidement en deux coupages, on va y aller. Fait que je te laisse la place. Parfait. Bon, ben, je vais commencer. Je vais plus parler aujourd'hui de la course automobile parce que vu côté techno, c'est assez tranquille ces temps-ci vu que le CES est passé. Puis le Salon de Détroit est passé. Il n'y a plus grand-chose dans les nouvelles technologiques. Sauf que la scène de course automobile vient de commencer il y a à peu près 2 semaines de ça avec le 24 heures à Daytona. Le Rolex 24, c'est une course qui dure 24 heures à Daytona, sauf que ce n'est pas la piste ovale au complet, c'est une partie sur la piste ovale, puis une partie sur la sécurité dans la piste. Okay. Y a plusieurs coureurs de tous les domaines qui courent cette course-là, il y a du NASCAR, des pilotes d'IndyCar, il y a surtout ceux de la classe Grand-Am, puis American Le Mans Series. Il y a depuis une couple d'années, il y a une domination avec Chip Ganassi qui ont gagné la course cette année encore. C'est ça avec les pilotes qui ont, avec Scott Pruitt, puis Juan Pablo Montoya, puis Scott Dixon. C'est quand même des bons pilotes. Mm-hmm. Ils sont capables de conduire la voiture puis l'amener jusqu'au fil d'arrivée. Il y a quand même pas mal de gros noms aussi là, qui étaient dessus. Il y a Hunter Ray, il y a Almendinger, pas mal, beaucoup dans IndyCar. Il y avait un ou deux Québécois. Il y avait Dumoulin, puis un certain Tremblay qui réside en Floride, mais qui est vraiment un Québécois. Eux sont vraiment dans les derniers parce qu'il y a plusieurs classes différentes. Il y a les Daytona Prototypes, ça c'est vraiment eux qui sont les plus rapides. Mm-hmm. Puis la classe GT, là, quoi, qui sont plus comme des Porsche Cayman, des Mazda RX-8. Okay. Aussi une petite classe un petit peu plus haute, celle-là c'est vraiment les Ferrari, les Corvettes. Mais celle-là, c'est les Corvettes aussi, les Camaro. Mm-hmm. Ceux-là sont un petit peu plus forts. C'est vraiment là, au début de la course, ils sont tous ensemble. Alors, les Daytona prototypes, eux, il faut qu'ils fassent vraiment attention pour pas rentrer dans... faire un accident avec les autres classes parce qu'ils vont vraiment plus vite que les autres. Là. C'est vraiment... il y a un trafic, surtout dans le premier virage qui est assez serré à Daytona. Il y a souvent des accidents au début. Puis quand la course dure 24 heures, c'est assez dur sur le moral de faire un accident le premier tour. quand tu peux en faire 300 dans une journée complète. Ouais. Ce qui est vraiment le fun, c'est de voir, parce que durant la course, c'est vraiment des belles images quand le coucher de soleil ou quand le soleil se lève, Ouais. puis les chars, ils ont les lumières allumées, puis ils courent pareil même à 7 h du matin. C'est vraiment le fun à voir. Puis, ce qui est le fun, c'est que la course est diffusée à Speed. Fait que ceux qui ont l'hélico puis le satellite peuvent l'écouter vraiment là, du début jusqu'à la fin. Là. Il arrête durant la nuit parce qu'il n'y a pas grand monde qui doit regarder ça. Mais il y a vraiment là, vraiment la course, elle monte au complet. Là. Il arrête de diffuser, mais la course continue pareil Oui, pour de vrai. c'est ça. Est-ce qu'il change de pilote de temps en temps ou c'est le même pilote qui fait 24 heures dans l'auto? Oh non, ils sont cinq. Là. Comme OK. ceux qui ont gagné, ils étaient cinq. Vous avez à un moment donné, tu Ah sais, non, je veux c'est impossible, je pense pas. dire. Parce Ouais. que, surtout à la vitesse qu'ils vont, un petit roupillon, puis c'est dans le champ ou c'est dans le mur. Hein, fait que c'est pas. Je pense pas que ça le tente de rentrer dans le mur, surtout à Daytona, à quoi, 200 000 à l'heure. Fait que c'est peut-être pas le fun. Non, ça réveillerait en tout cas. À s'endormir au volant, c'est pas. Déjà qu'il y avait des coureurs de NASCAR qui tweetaient au volant, là, à un moment donné, dormir au volant, c'est une voiture de course, pas sûr que c'est le fun. En train de courser sur Daytona, le mur s'en vient, shit. Plus rien Genre. après. Il n'y a plus rien après. Fait que, Ouais, c'est ça. non, mais c'est assez impressionnant à voir. Ça fait à peu près 10-12 ans que je regarde ça. Cette course-là, j'essaie de ne pas la manquer. Des fois, quand j'ai pas speed, j'essaie d'écouter sur Internet. Puis il y a vraiment des pilotes, là, tout ça, des pilotes qui ont fait la course, même les Earnhardt Père et Fils qui ont conduit une Corvette l'année où Earnhardt est mort. La même année, 2 semaines avant, il faisait la course 24 heures puis il a gagné avec une Corvette. OK. Puis avec son fils, avec son gars. Puis 2 semaines après, ben, il est mort au Daytona, la même piste à plus. Fait que. Mais dans la course de NASCAR. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que pour cette course-là, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. C'est qui a gagné finalement? C'est l'équipe à Chip Ganassi, là, ceux que j'avais dit OK. tantôt. Ouais, eux autres, ils sont pas mal dominants. C'est à peu près 5-6 ans qu'ils gagnent tout le temps cette course-là. OK. Comparativement, quand c'est les 24 heures du Mans, c'est tout le temps les Audi qui gagnent. OK. Ils sont vraiment dominants. Eux autres, dans cette course-là, c'est les plus dominants. OK. Vraiment dans cette série-là. Parce que dans les autres courses de cette série-là, Grand-Am, comme par exemple, il y a les 12 heures à Sebring. Sont encore dominants pareil là, dans cette course-là aussi. Là. OK. Ouais, fait que c'est ça. Puis la prochaine course, ben, la prochaine série, c'est que dans à peu près une semaine, c'est le début de la saison du NASCAR qui va commencer à Daytona. À peu près, les festivités durent à peu près pour une semaine. Ça commence le premier dimanche, le 13 février. Avant, ils appelaient ça le Bud Shootout. Là, ils ont changé ça cette année pour le Sprint Unlimited. Ils ont changé ça pour que les amateurs de NASCAR puissent participer. Ils peuvent choisir le format de la course, les arrêts au puits, l'élimination. Puis la dernière chose un petit peu inutile, c'est comment que la Miss Sprint Cup va être habillée quand on va remettre le trophée à la fin de la course. OK. Ça, Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. un petit peu, ouais. Mais comment que la C'est course. vraiment pas macho, par exemple, hein? Vraiment pas. Non, vraiment pas. Non, non, non. Vraiment pas. Sûr que le premier choix, ça va être robe de bal. Non, c'est. Je pense que c'est même pas ça. Je pense que c'est juste la couleur de l'habit parce que OK. ils ont un habit comme les pilotes. Ils ont un fire OK, suit. ouais. Ouais. C'est l'eau. Quelles couleurs qu'elle devrait avoir. OK. Mais, je comprends pas, là, mais c'est bon. Pour le type de format, c'est que. Il y a trois courses dans cette même course-là. La première, c'est sûr qu'il y a plusieurs tours. Il y a à peu près une trentaine de tours. Ça diminue jusqu'à la dernière, qui est à peu près les gens en choix en 10 ou 20. Donc, 10 tours pour trouver le gagnant de cette course-là. OK. Ça, c'est pas tout le monde qui y va, par exemple, à cette course-là. C'est certains pilotes qui ont accès à cette course-là, vu les résultats de l'an passé. OK. Puis il y a aussi les amateurs qui choisissent celui qu'ils veulent avoir durant la course. OK. Ouais, c'est pas tous les pilotes qui vont à cette course-là. Ensuite de ça, la prochaine étape, c'est les puits. Après le premier segment, ils peuvent aller au puits, mais les amateurs choisissent s'ils ont le droit ou pas d'y aller. Puis s'ils ont le droit d'y aller, ben, ils ont le droit de choisir ce qu'ils vont choisir, changer deux pneus ou les quatre pneus. Sinon, c'est vraiment ça. J'ai bien l'impression que les gens vont faire. Ils n'ont pas d'affaire à aller au puits pour augmenter La difficulté la ou difficulté, puis sûrement aussi le nombre d'accidents durant la course, vu que l'usure des pneus, puis le manque d'essence, puis pour que la course soit de plus en plus spectaculaire. Ouais. Puis après, ben, les gens choisissent, après le deuxième segment de la course, vu qu'il y en a trois, combien d'autos sont éliminées. Est-ce qu'il y en a zéro, est-ce qu'il y en a 10 ou est-ce qu'il y en a 20 pour la course finale en dernier. OK. Puis c'est ça. D'habitude, quand c'était le botch shootout, c'était une course, puis c'était pour celui qui gagnait avait la pole au Daytona 500. OK. Ça sera plus Puis sûr cette année ou? ça va être encore ça. OK. Celui qui gagnait va avoir la pole aussi. OK. Puis il y a encore le jeudi, c'est le Gatorade Duel, c'est deux courses de 125 000 qui choisissent, là, c'est vraiment pour déterminer l'ordre de la course pour le dimanche. L'heure de départ, à part le gagnant de l'autre course qu'on sait que c'est lui qui part en tête, peu importe ce Exactement. qu'il fait. Exactement. Ouais. OK. OK. Ceux-là sont assez spectaculaires. Vu qu'ils ne sont pas les 43 sur la même piste en même temps, ils sont à peu près sont une vingtaine pour chaque course. Puis c'est vraiment là la stratégie. Là, il implique la stratégie là-dedans, là, comme ça serait une course là, de 500 000. C'est aussi important que celle-là. Là. OK. Parce que le Daytona 500, c'est la plus grosse course de la saison au NASCAR, puis c'est la première en plus. Ça part la saison, puis Ça ça part part la en saison. grand. OK. Ouais. Puis Ouais. en plus, au Daytona, le 16, parce que la voiture qui va courir pour Chevrolet au Daytona, c'est la nouvelle Chevrolet SS. Ouais. Puis ils vont présenter la Chevrolet SS grand public, celle que le monde va pouvoir acheter. Ils vont présenter le 16 février. Ils vont la dévoiler à Daytona. OK. Bon. En honneur du fait que c'est cette voiture-là qui va être représentée pour la saison de NASCAR. Ouais, c'est ça. En plus, ils sont très belles en plus. Les nouveaux modèles, là, Ouais. sont vraiment différents des années passées. Puis, ce qui est fun aussi, c'est que les voitures vont être identifiées, la vitre avant, vont être identifiées par le pilote, non pas par le commanditaire de la série. Ah, OK. Ça va être plus facile d'identifier pour les amateurs, là, vu que les voitures vont assez rapidement. Ouais, c'est un peu comme avoir le nom sur le chandail de hockey, là. Exactement, c'est la même chose. OK. Au lieu que ça soit le commanditaire, ben, ça va être le nom du pilote. Puis, Ouais. parce qu'ils changent tellement de véhicules, les pilotes, les couleurs des voitures, qu'on ne sait plus si même avec le numéro, des fois, on ne sait même plus c'est qui pilote la voiture, tellement qu'ils changent de commanditaire, de logo puis de peinture. Hein. C'est OK. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée d'avoir le nom. Ouais. Puis en même temps, durant cette fin de semaine-là, ils ont un temple de renommée aussi à Charlotte pour les anciens toute l'histoire du NASCAR. Puis il y a cinq nominés qui vont être introduits au temple de renommée. Là-dedans, j'en connais deux principalement. Les autres, je ne connais pas. C'est des vieux pilotes. Il y a Buck Baker, Cotton Owens, Herb Thomas. Il y a Rusty Wallace qui, lui, est assez populaire dans cette série-là. Sa famille est pas mal tout dans le NASCAR. Même son gars, Stephen Wallace, est dans la série Nationwide. Ouais. Disons qu'il a causé pas mal de troubles à Montréal avec les pilotes comme Jacques Villeneuve, puis Taglioni, puis Carpentier dans toutes les courses qu'il a faites à Montréal. Ouais, OK. Puis le dernier, c'est Leonard Wood. Lui, c'est un propriétaire avec les Wood Brothers. Son frère, lui, a été nominé l'année passée. Puis c'est ça, eux sont présentement encore propriétaires d'une voiture Ford dans le NASCAR. Puis il y a 2 ans, ils ont gagné le Daytona 500 avec un pilote recrue. Un OK. pilote recrue, ouais. Ça paraît bien. Ouais, c'est sûr que quand ils ont gagné, c'était vraiment le monde était content parce que c'est une famille qui est respectée dans le NASCAR. Puis ils ont quand même eu des bons pilotes. Ils ont eu Michael Waltrip comme pilote. Puis ils ont eu vraiment du succès dans les années 90. Puis tranquillement, les 2000, ça n'allait pas vraiment bien. Là, avec une victoire des Daytona 500, ça les a comme encore mis sur la map là, pour les années suivantes, là, les prochaines saisons. Là. Donnez un peu le vent dans les voiles. Exactement, oui, c'est ça. Puis c'est ça. Puis là aussi, il n'y a pas juste le NASCAR qui commence, il y a tous les tests de Formule 1 qui sont en train de se dérouler à Jerez en Espagne. Puis aujourd'hui, ben, il y a eu des tests, puis c'est vraiment là, les Ferrari qui dominent là, les essais, surtout Massa qui domine les essais. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements dans la saison. Comme par exemple, Hamilton n'est plus avec McLaren. Il a vraiment quitté l'écurie pour être rendu avec Mercedes. Il n'y a pas eu vraiment de gros changements non plus, mais c'est sûr que les changements de pilote, c'est assez différent à voir dans les voitures. Ça va être un petit peu plus dur de s'acclimater. Puis ça va, quand on va passer de McLaren, on va dire, oh, ben, c'est Hamilton. Mais non, c'est plus Hamilton, il n'est plus dans cette écurie-là. Mais Non, c'est ça. pareil, Ferrari, tranquillement, sont en train de revenir d'être dominant comme dans les années 90, vu que dans les dernières années, ça n'a pas été si Non, ça n'a bon pas que été ça. Jojo, là. Non, surtout avec l'arrivée de Red Bull, puis McLaren qui commençait à être dominant, Ferrari comme un peu été oublié. Disons, les Italiens ne devaient pas être contents de ça, de ces mésaventures-là. Mais depuis l'année passée, je vois bien que Ferrari commence à être dominant, là, redevenir dominant dans la série de Formule 1. Ouais, c'est quand même bien, mais il y a bien du monde qui déteste Ferrari, mais c'est quand même une écurie légendaire, là. Ouais, c'est sûr. Ça fait depuis le début qu'ils sont là, puis C'est ça. c'est une écurie gagnante. Puis la pouvoir gagnante, ça peut être surprenant, là, mais tranquillement, ils reviennent à le succès là, qu'ils ont connu dans les dernières années. On va voir ça dans la nouvelle saison. Exactement. Puis du côté de la DTM, ils ont présenté la nouvelle course qu'ils vont avoir en Russie cette année. Puis ils ont amené le Audi A5, commencé par Red Bull là-bas pour vraiment là, montrer aux Russes présenter la série aux Russes pour dire qu'il va y avoir une course là-bas en Russie. Cette série-là, principalement en Allemagne, en Grande-Bretagne, puis en Italie. Je pense qu'il y a quelques courses en France aussi. Il y avait aussi des négociations pour qu'il y ait une course DTM à Montréal, qui a eu la perte de la course Nationwide à Montréal. Il y en a qui a eu des rumeurs qui disaient que la série DTM allait aller à Montréal. Ça n'a pas été vraiment confirmé. C'est comme perdu dans la brume, là, cette histoire-là. On n'a pas entendu parler depuis ce temps-là. Ben, au salon de l'auto de Montréal, Bruno Spengler était là, c'est lui qui est le champion de TM. Puis il avait dit qu'il aimerait vraiment qu'il y ait une course à Montréal. Il en a parlé pendant que la personne chez BMW jasait avec, là. Fait que c'est pas mort comme projet d'après ce qu'il avait l'air à dire, c'est pas mort comme projet. Ça serait fun d'en avoir une parce que j'ai regardé ça un petit peu à RDS, puis je trouvais que c'est assez. Les voitures vont quand même assez vite, puis c'est quand même assez spectaculaire comme course. Parce que c'est quand même des grosses voitures. Puis les circuits sont quand même pas vraiment larges. C'est quand même assez spectaculaire de voir cette course-là en DTM, là. Ouais, puis la BMW de Bruno Spengler était vraiment belle, sa voiture de course. Et il l'avait amenée au salon de l'auto de Montréal. C'est un beau petit bolide. C'est celle qui était noire. Ouais, noir OK. mât, là. Ouais, c'est Ouais. ça. Elles sont vraiment belles, surtout celle-là. Il y en avait une qui était transparente, pas chrome, celle-là était vraiment belle. Je m'en souviens vraiment plus de la marque. C'était totalement une Mercedes, sûrement. Mais elles sont vraiment belles, là, ces voitures-là, avec toute l'aérodynamique qu'ils ont sur les voitures. C'est quand même assez. Ouais, ça a de la gueule. Ouais, exactement, ouais. Puis. Une petite dernière nouvelle pour ceux qui sont fans de drag racing. L'équipe John Force, ben, ces deux filles ont décidé de suivre son père. La plus vieille, est très forte en funny car. Ça, c'est les grosses voitures, là, celles qui vont quand même assez vite. Puis sa plus jeune a décidé d'aller dans les Top Fuel pour remplacer un des anciens qui a pris sa retraite, qui est rendu un crew chief pour une autre écurie. Mais quand même, je trouve que son père est assez courageux de laisser sa fille conduire une voiture qui mesure à peu près 40 pieds, 30 pieds. C'est quand même une grande voiture qui va à 300 000 à l'heure. Puis. Oh, oui, c'est quelque chose, mais gars, déjà en partant, lui, c'est un maniaque de la vitesse, fait que je veux dire, il peut comprendre la passion de ses filles, probablement. Surtout, je sais pas si vous savez, mais c'est la première course qu'il a gagnée à Sanaire. OK. Quand il y avait ce circuit-là à Montréal, sa première course qu'il a gagnée là à Montréal. Je ne savais pas. Et oui. Fait que c'est pas mal ce qui se mijote dans le monde de la course automobile pour le mois de février. Bon, ben, c'est pas mal ce qui va terminer le podcast de ce soir aussi. On est à peu près un petit peu plus qu'une heure, là. Ça va être parfait comme longueur de show. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On a parlé de toutes sortes de sujets. J'aimerais remercier Jean-Benoît d'avoir remplacé Steve sur un dans un comme un coup de vent. Non, mais tu sais, sincèrement, là, si tu veux le tasser puis me mettre moi en place, là, ça peut être une idée, on va s'arranger. On ne dira pas. On va revoir Steve la prochaine fois, mais je dis pas que je te réinviterai pas, ça a été bien agréable de t'avoir ici. Pour un gars qui n'était pas sûr de ce qu'il avait à dire dans le podcast, puis s'il y avait sa place. Quand même pas super, tu t'en es bien débrouillé. Hein? GF, comme d'habitude, merci beaucoup. Si, messieurs, si on veut vous rejoindre, comment est-ce qu'on fait ça, GF? Par Twitter, à commercial JFLIAU. Puis j'ai un blog aussi sur le commerce électronique et l'agroalimentaire à jeffbeaulieu.ca. Parfait. Envoie-moi ton lien par Twitter. Je vais le rajouter sur le site du podcast auto. C'est parfait. Pour que les gens puissent faire un lien à ton blog, à toi. Puis JB, où c'est qu'on peut te rejoindre si vraiment là on est mal pris et on n'a pas le choix? Ouais, si vraiment vous êtes mal pris, ben il y a toujours le podcast de la réalité augmentée sur lequel il y a un doux de pur inconnu là, qui participe, Luc. Là, je pensais que tu allais dire François-Dominique Laramé. Aussi, mais lui, c'est parce que c'est comme la facette comme connue du podcast. On est sur Twitter, bien sûr, sur Facebook, Réalité Augmentée, cherchez ça, Réalité Aug pour Twitter. Et moi, personnellement, vous pouvez me retrouver sur Twitter à gangj_B. Voilà pour de mon côté. Ça, si ça vous tente d'écouter son show du matin, parce que Jean-Benoît est animateur au show du matin à une petite radio de la radio de Havre-Saint-Pierre. Vous pouvez aller au CILEMF.com. Exactement. Puis vous cliquez sur écouter. Comme j'anime jusqu'à 10h le matin en semaine, souvent les gens, je suis pas trop dans leur beat. Là. Le matin, tu sais, les gens ont comme leur routine puis leurs habitudes, fait qu'ils écoutent leurs trucs habituels, puis quand t'es pas dans la région de la personne, souvent c'est plus ou moins ça. Sinon, comme les capsules qu'on fait ensemble, on met ça sur le web puis ça permet aux gens de rattraper ça par la suite. C'est ça. Si vous voulez me rejoindre moi, parce que vous avez aussi, vous êtes dans le trou, vous n'avez pas le choix. Ask Alazormo sur Twitter, vous pouvez nous écrire. Puis là, je me suis aperçu que je pense que j'ai pas donné la bonne adresse courriel depuis le show numéro 1. Donc, c'est le podcast auto à gmail.com. Je pense que je disais juste podcast auto. Donc, c'est le podcast auto à gmail.com. Vous pouvez nous écrire aussi sur Twitter à podcast auto et visiter le podcastauto.ca. J'ai mis deux petits articles en ligne aujourd'hui qui parlent de certaines choses qui sont sorties à Chicago. J'ai mis on a les vidéos des essais routiers. Il y a les liens pour les podcasts et télécharger tout sur iTunes ou par fil RSS. Donc, si vous cherchez quelque chose pour le podcast auto, vous pouvez aller là et nous rejoindre. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté et là-dessus, on va se rejaser. On va rejaser dans environ 2 semaines. Donc, passez une très belle Saint-Valentin, gâtez vos blondes et si vous êtes une de ces blondes, gâtez vos chums. Et puis, nous autres, on se revoit dans 2 semaines. Salut tout le monde! Salut! Bye!